Mais que s'est-il donc passé un 27 avril ? En 1997, Heinz Harald Frentzen a remporté son premier Grand Prix de Formule 1 sur le circuit d'Imola. Ce qui est le plus surprenant de cette histoire, c'est pas tant le fait que Frentzen ait réussi à s'imposer lors de sa quatrième course avec l'écurie Williams, championne du monde en titre, c'est plutôt qu'il n'ait pas réussi à gagner d'autres courses cette année-là. Heureusement, une belle année 1999 est venue corriger ça, mais c'est pour d'autres vidéos. En 2008, Kimi Räikkönen remporte le Grand Prix d'Espagne devant son équipier Felipe Massa, mais la course est surtout restée dans les mémoires pour l'impressionnante sortie d'Heikki Kovalainen. Après un problème à l'avant-gauche de sa McLaren, le pilote finlandais a terminé sa course sous le mur de pneus du virage 9. Heureusement, rien de plus qu'une commotion cérébrale pour Kovalainen, qui est revenu au Grand Prix suivant. Rayon anniversaire, on fête aujourd'hui les 88 ans de Bob Bondurant, pilote mythique de la côte ouest américaine, et les 78 ans d'Helmut Marko. Ancien pilote de Formule 1, l'Autrichien garde désormais un œil sur les jeunes de la filière Red Bull. C'est tout pour aujourd'hui et à demain !